enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Petit trou du cul d'un fils de pute, ton vie mise à nu, tes roustons en rute, fatigue mes yeux. Mon esprit gothique, aspiré par Dieu et l'au-delà chic. Tu as donc la gaule, petit foutriquet. Tu risques la geôle, fief et freluquet. Seul l'archiprêtre a mon cou et mon cœur, car l'Église a droit seule à mes faveurs. Si tu veux trouver mon blanc qui béni, va donc te frotter, prie un peu maudit, mais vois le seul lève exclusivement pour les stars du rêve, les corbeaux charmants. Alors comme un saint, tu pourras aussi égrener mes grains de beauté chérie. Mais pour leur indu, emporte ton dard, ton foutre perdu au fond du placard, ton foutre perdu au fond du placard, ton foutre perdu au fond du placard, ton foutre perdu au fond du placard. On se rappelle, on se raccroche aux notes qui dénotent l'amour, aux danses qui les provoquent, aux regards qui les évoquent, aux baisers qui se moquent de toutes les mises en scène, puisque la force évocatrice ne se cache pas sous de tristes apparences, mais sous l'introspection des sentiments. Jouer le drôle de sa vie. Oui, jouer le drôle de sa vie, sans nez rouge, sans arc-en-ciel, se lancer comme un cerf-volant, comme ça face au firmament, aux paysages loufoques, aux êtres qui le sont tout autant, par leur énormité à rester ancrés dans le sable émouvant de maladresse. Dressons encore l'histoire de notre vie en se trompant d'adresse. Ding-dong, Madame Bavon? Oui, c'est moi, Madame Bavon. J'aurais voyons donc, toi, dans les cosmétiques comestibles. Moi, je sais que ça sert pas à grand-chose. Vous pouvez le manger. Si vous ne l'aimez pas, si la crème, exemple, moi, je vous offre 3 crèmes. Pour ça, c'est 4 $. C'est de l'herbage. C'est des plantes cannibales. Ouais, mais qui a été cultivée par Lecter. Cannibale Lecter. Le soir, nu, après la pluie. C'est un malade, ce gars-là, là, hein? Et lui, il veut pas être habillé, lui. Il ramasse ça, non pas avec ses mains. Non pas avec ses pieds. Avec ses dents. Hannibal Lecter. Et on vend ça. On essaye de vendre ça. De faire croire ça au monde, au pauvre monde, hein, aux innocents, aux caves, aux imbéciles, aux colonisés. C'est pour ça qu'on est ici chez vous, madame. Alors, si vous ne l'aimez pas, ça, c'est, en fait, il y a la crème du matin. Ça, je vous le conseille avant midi parce que si vous placez ça à midi et 5, là, le soleil, tout est selon le sandwich, là, le Zénith sandwich, Greenwich, pas de croûte. Le Greenwich, pas de croûte. Pas de beurre non plus, ça fond puis ça brise. Je sais, vous allez me dire, du beurre, c'est cosmétique. Comestible. C'est cosmétique peut-être aussi. Quoique si tu te brûles un doigt, je vous conseille de la pâte dentifrice de marque. Et ça, c'est une méchante pâte dentifrice. Tu l'ouvres, ça fait « aïe, aïe! » Là, tu dis « ouais, mais non, c'est moi qui ai mal. C'est moi qui souffre actuellement. C'est moi là, qui est incapable de rire ma colère. » La preuve. Diantre de diantre de diantre. Diante de fiante de fiante. C'est pas de la fiante, c'est du diante. Diante de diante. Oui, votre mes trois crèmes. Excusez-moi, madame. Je me déconcentre tout seul. Je prends de l'herbage. tout. Alors, la crème d'avant-midi, je suppose que, même si vous voulez me dire, c'est bien, vous avez entièrement raison, même si c'est nuageux, avant-midi quand même, pour que votre cerveau en magazine d'information. Parce que si vous êtes indiscipliné, vous commencez à midi et 2, vous allez tout manquer votre crémage. Dites-vous que vous allez faire un méchant gâteau. Votre mari va aimer ça. Il va se croire au film, pas 37-2, mais 48-2. 50-12. Matin fidèle. 37-24. C'est quoi donc? 37-12. Avec Mickey Rookit. Puis Geoff Palabur. Elle a passé dans le beurre, hein? Elle est toujours très belle. Ah, oh, elle arrête pas de m'appeler, là. Moi, je réponds pas. Écoute, je suis pas un gars facile, de même, moi, là. Wow, quand Kim Basinger m'appelle. Wow. Sophie Marceau. Frappe à ma porte le matin, avant midi, pendant que je mets ma crème d'avant midi. Ouais. Alors, je vous conseille, parce que moi, je vais revenir à mon histoire, parce que je veux vendre mon 150. Je vais avoir 150$. C'est pour mes études. Comprendre l'herbe. Étudier l'herbe. Mon professeur, il est un peu louche, hein. Il a un chapeau de fermier, puis étudier l'herbe. La première herbe. Mais monsieur, il, au moins, il s'est compté, il dit la première herbe. Il a l'air fatigué, il dort pas, lui. Il dit, moi, l'herbage, je me dormais. L'herbage pour me réveiller, de l'herbage pour m'en laver, de l'herbage. J'ai l'air bête avec l'herbage, je me contrôle peu. Peux-tu n'importe qui, n'importe comment? Hannibal Lecter, c'est rien à côté de moi. Quand je prends la mort aux dents, j'ai le tombeau qui se frétille, Hey, wow, attention! Mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Avant midi, première crème, OK? Toi, c'est la crème d'avant midi. Fauche-moi pas, moi, te faucher toi-même, toi. Et puis ensuite de ça, il y a celle entre midi et 18 heures. Pas 6 heures, 18 heures. Branche-toi à un moment donné. Lâche le 6 heures du soir, c'est pas 6 heures du soir. À un moment donné, j'ai appelé Manoir, j'ai dit ma petite Manoir, Manoir, viens au Manoir. À 6 heures du soir. 6 heures, ben, c'est une danse française. 6 heures. Pour ça, je me suis rendu compte que c'est pas une Française, c'est une Belge. Fait que là, j'ai parlé en flamand. Rose. J'ai mis mon tutu. Mes collants. Les albums de Jean-Pierre Ferland. Là, je me sentais comme lui, insignifiant, une grande dent. Un peu comme Jean-Pierre, mon lanier, mon fou allié. Je disais, c'est Adlibad. Alors ça, avant 18h, la deuxième crème. Midi, 18h. Là, vous allez dire, oui, mais j'ai mis ma crème à midi moins 2 pour la crème de matinée. Hein? Et puis, donc, après ça, je dois immédiatement rajouter, oui, ça fonctionne aux trois couches. Si tu ne mets pas tes trois couches, cancer. Là, tu dois acheter une crème contre le cancer, que ça, là, ça coûte 555 $. C'est de l'herbage. Madame Bavon, c'est moi, de l'herbage. Bon. Eh bien, appelez-moi. Ben, en plus, là, regardez, si vous essayez de me rejoindre, là, ma ligne actuellement est occupée. Ah, tout le monde a pris le cancer parce qu'ils ne savent pas, hein, que surtout quand c'est l'heure avancée, l'heure reculée. Moi, j'ai des voyageurs là-dedans, là, des aventuriers, des aventurières, des belles, des mégères pas apprivoisées. Faut-tu essayer? Hey, on lui dit, regarde, toi, là, dans ton nom, c'est apprivoisé, la mégère apprivoisée, pas la mégère des fugaces, là. Ça comprend rien. Ça n'a jamais rien compris. Ça va voter encore, Fédé, hein? Bon. Et puis, non. Non, vive les deux, là, puis vivre aux deux, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais à la troisième crème, madame, on va lâcher les deux, là. Les femmes, mon femme, les condamnés, les femmes, les deux, les femmes, mon droit, garde le bras, le bras, les bras, les bras, tout le monde, mon ami, attention, vieux cochon, on signale, Le mort au... Parce que Jean-Pierre adorait les chevaux. C'est quoi son cheval, non? Pourquoi je parle tout le temps de lui? Je pense qu'il a été marquant dans ma vie parce que à cause de du petit roi. Un jour, je vais vous le raconter. Si vous êtes sage. Achetez-moi mes herbages, puis je vais vous raconter l'histoire de Jean-Pierre Ferland. Du petit roi. Mon enfance. Passard. C'est pas de Jean-Pierre, c'est de Jacques. Silence en silence. De trop de révérence. Bon. En imitant Jean-Pierre. Non, c'est mon émissaire. Non, c'est Jacques Brel-Ferland. Sur les plaines d'Abraham, entre les deux boules. Ah, alors donc, oui, c'est ça. Et puis, la troisième crème, c'est très important. Non, je lâche pas, moi, là. Je lâche pas le moro. J'ai le moro. J'ai eu mal. Non, arrêtez. Amène-moi pas ça comme idée, toi. Je risque de m'en inventer un mot. Amour. Non, pas un mot. Je veux dire un mal. Quand j'ai mal, j'ai des mots. Parce que un amène l'autre, moi, là. Je peux pas juste avoir un problème à quelque part. Il faut que ça soit partout généralisé. Ça s'annonce très mal. Parce que je crois que plus tard, j'aurai la mort généralisée. Ce ne sera pas juste la mort de ma main. Après ça, la mort de mon bras. La mort de mon côté gauche. Mon côté préféré, la gauche. Hey, les gars, lâchez-moi pas les filles de gauche. Lâchez-moi pas le bras de gauche. Secouez-moi ça. Après ça, ça, c'est moins important, la droite, là. Signe de trouble intellectuel. OK. Et puis là, c'est en 18 heures, la crème, excusez-moi. En 18 heures et minuit. Puis là, minuit, il faut arrêter de vous crémer. Parce que quand vous allez vous coucher, vous allez glisser. Puis si vous glissez, vous pouvez vous casser la gueule. Il y a de l'herbage pour ça aussi. Vous m'appelez, mais la ligne est occupée aussi. Également. Arrêtez de dire aussi deux fois. Également deux fois. Alors, ne tentez pas. Ne tentez pas, c'est toujours comme ça. Il faut lire. Sur les petits pots, c'est écrit tout petit parce que c'est des petits pots. Quand vous serez sur le petit pot, lisez les petits pots. Les petits pots, les petits pots, les petits pots, les petits pots des animaux. Ouais, on est tous des animaux, faites-vous-en pas. T'es pas plus intelligente, toi, là que la zébrée. Pas celle qui fait du musical, là, mais l'autre zébré, là, à quatre pattes qui mange du foin en pyjama. On n'est pas plus intelligent que le poisson rouge, nous autres. Ah, mon Dieu Seigneur, on se ferait un chemin comme lui. On mange comme lui. On attaque sa passe comme lui. On s'en rappelle plus comme lui. On a les yeux ouverts comme lui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre, donc? Mais on prend des bains. Lui, c'est une vitam paparman. Il peut pas faire autrement que prendre des bains, ce petit poisson-là, parce que c'est un poisson propre. Un poisson d'eau fraîche. Et moi, depuis quoi? Depuis 40 quelques années, je vis d'amour et d'eau fraîche. Mais car, j'ai de l'eau fraîche, mais où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour, mon? Et non, hey, attention, attends. L'amour est à ta porte. Hein? Merde, j'ai des... Parce que... Merde, putain de bordel de merde! Non? Dans mon studio, j'ai pas placé de porte. J'ai placé un rideau. Comme au théâtre, lorsque je pénètre, je me sens comme Zaza Gabor. Les copains de la barre. Non, mais c'est qui donc l'autre? Pendant ce temps-là, je réfléchis. Celle qui chantait, là, hey, je la vois en plus. Quand j'ai rencontré mon ancienne blonde, elle dit, je ressemble à, pas Sarah Bernard, Sarah Bernard. Non, une chanteuse. En tout cas, quand je vais m'écouter, je dis, ah, ben merde, c'était celle-là, c'était elle. Comment qu'elle s'appelle? Je vais appeler Pascal. Pascal, Serenade. T'es encore sous? Non, c'est Serenade. Oui, c'est ça, non. Hé, hey, comment ça encore? Mon petit pigeon. Je suis plus ton pigeon. Mon amour, je suis plus ton amour. Mais es-tu encore Pascal? Oui, j'ai pas changé. OK. Ben, Pascal, oui. À qui tu ressembles? À Pascal. Ah, tu ressembles à Pascal. Mon nom est Pascal, tu es mon ami. Et à chaque soir, je pense à toi. Mon nom est Pascal, tu es mon ami. Veux-tu jouer avec moi? Pas, je veux plus jouer avec toi, c'est fini. Elle raccroche. Ah, mon insi... Non, je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Surtout sa fille. Bon, à la route, je lui ai tout dit. Qu'elle me paraissait longue et sans... Ah oui, la traite, oui, excusez-moi. La traite d'acheter mes trois crèmes, c'est très simple. Je continuais mes textes. Excusez-moi, c'est ça, les poètes. Hein? Ça se fout du peuple. C'est concentré sur son œuvre. Ah, moi. Je crée, je passe, je pète, je pue. Mais, non, c'est ça. Lâche les causes. Mais, ouais. La crème entre 18h et minuit, très important. Puis alors, arrête, comme je dis, tu glisses, ambulance, bon, les frais supplémentaires. Quoique moi, 150 $, c'est le prix de trois crèmes. L'ambulance, c'est 150 $ aussi, ça fait 300 $. Alors, les instructions sont sur le petit pot. Quand vous serez assis sur le petit pot, je suis, hein, bon, c'est pas un texte, mais c'est improvisé, mais on suit. C'est rare que je suis, parce que j'aime pas ça essuyer, moi. Ah, mon Dieu, tu laves? Non, je suis, OK. On sait que t'as jamais... c'est, comment ça? Je pense donc que j'y suis. Ouais. On sait que t'as jamais pensé. Non, je réfléchis. Bon. Comme les miroirs. Je franchis régulièrement le miroir. Oh, le soir. Le vendredi soir. Le reste du temps, ben là, je reste devant. Je me regarde. Ah oui, c'est ça. Mel well devant ça. Le well. C'est pas le voile, le well. Un gros well, là. Du marin pêcheur, là. C'est celui qui dit on voit la mer. C'est pas la mer qui a pris l'homme, c'est l'homme qui a pris la mer, tralalair. Il y a les poissons qui baissent dedans, tu verras. J'en ferai tout autant. Non, toi, Benoît Charles de ma part. Hein? Benoît Charles, change de ce port. Benoît Béchant. Béché. Ah, lui, c'est Béché. Ah, mon Dieu. En voulant ouvrir sa caisse de... Ce temps-là. Venez en aide à Benoît Béchant. Le pauvre Benoît Béchant, il est dans la corde raide. Ben oui, la corde, il est dans la corde. Ben oui, mais écoute, il s'étouffe, là. À force de cracher sur le monde, à un moment donné, c'est bien beau, l'œuvre. J'ai rien à dire contre lui. Heureusement, moi, t'étais en train de quoi? De l'assassiner! Ben voyons donc, il est déjà mort. Non, il est déjà en train de m'écouter et je lui dis « Bonne chance, mon champion. Continus. Va plus loin. L'avenir est devant toi. Lâche Ginny. Elle est pas dans bouteille. Elle est en dehors. Tes fanatiques t'aiment bien. » Non, mais c'est bien. Quoi donc? sort de l'ombre, parce que c'est quoi? En tout cas, les crèmes, prenez trois crèmes, achetez-moi les trois crèmes, cinq crèmes, ça coûte pas si cher que ça, 150$! À la route, je lui ai tout dit. Qu'elle me paraissait longue et sans issue, qu'elle me relevait. OK, je recommence. À la route, je lui ai tout dit. Qu'elle me paraissait longue et sans issue, qu'elle ne relevait aucun défi, hormis de nous compliquer la vie, qu'elle cachait des chaos pour mieux se sentir réglo avec le reste de l'existence. À la route, je lui souhaite à elle aussi de se dérouter pour mieux errer dans les interstices de l'imaginaire. Je possède un charme flou. Eh oui, je possède un charme flou, comme mes amours, aux reflets vampiriques, au risque de laisser triompher la passion, passons aux choses ricaneuses. Quel est ton signe astrologique, mon canard? Coin, coin, coin, c'est le danse des canards qui abandonnent notre casse, je connais les coins des reins et font pain-pain. En parlant de pain-pain, moi, j'aime bien mon pain, parce que là, j'en achète de la baguette, moi, là, puis comment t'appelles ça, de la ficelle? La différence très simple entre la ficelle puis la baguette. Non, mais le peuple ne sait pas encore. Le peuple ne sait pas, mais je veux lui dévoiler un secret des plus... codé. C'est codé au milieu de la boulangerie. Les gens qui pétrissent. Là. Hey, ça pétrit, là. Hey, ça se concentre. Là. Ça porte la farine. Les gens qui font non, du vrai pain à partir de rien. Là. Ils se lèvent le matin... Oh, là, ils s'en vont travailler, là. Puis la baguette est pas prête, là. Y a rien de prêt. Tous les ingrédients sont là pour en faire une. C'est merveilleux. J'adore ça. Moi, j'ai travaillé dans des... comment t'appelles ça? Une boulangerie intégrée. Donc, la baguette m'arrivait. Comme le taureau. Eh bien, tranquille, toi, tranquille! Était gelé. Oh mon Dieu, comment tu fais de geler ça, là? Mais écoute, c'est avec le temps, fais lui prendre une douche, donne-lui du café, puis moi, je te conseille peut-être quelques postes. Non, lâche l'activant, toi, est déjà très activé de même, là. Puis, je pense que, comment tu appelles ça, la levure dans le milieu du pain, hein? Tous les boulangers savent que ce que c'est la levure. Quand ta blonde te dit le soir, hein, mon Dieu, t'as pas pris de la levure, toi? Ah, écoute, je me suis dit qu'à force de la pétrir. Ah, mais oui, mais tu pétris la pâte, mais devant moi, tu fais plus rien. Mais oui, mais là, écoute, c'est la déficience, du travail. Puis la CISBB, elle veut pas payer, puis. Je me retrouve comme ça, là, célibataire, et puis avec trois femmes que je dois régler au niveau salarial, et puis ça fait mal au portefeuille, puis je peux plus avoir de loisirs. Je peux pas jouir de la vie, tandis que je fais jouir les pains, les baguettes, les pains belges. Tu sais, il y en a plusieurs sortes, là. Puis la différence, je reviens là-dessus, la différence entre la baguette et la ficelle, c'est quand même... très simple. Quand tu es célibataire, tu prends la baguette. Non, tu prends la ficelle. Pourquoi c'est tout petit, puis c'est croustillant. C'est comme une mini baguette. Puis là, tu dois pas dire quand tu vas chercher à Québec, ça va aller. Tu peux avoir l'air cave, imbécile. Ça va passer aux douanes. Bon, tu dis, je veux un pain baguette. Mais là, si tu vas en Europe, là, surtout en France, là, tu peux pas dire un pain baguette parce que un pain c'est une baguette. Donc tu dois dire je vais prendre une baguette. Mais pas un pain baguette. Tu comprends un peu la supercherie langagière? Ben moi je mets ça dans le frigidaire. Non non, j'ai pas dit le frigidaire, j'ai dit non non, la supercherie langagière. Le langage là cache des codes. Puis des fois, c'est inconscient. On dit des mots, on dit des phrases, on dit dans un contexte des choses sans trop le savoir parce que c'est inné en nous. On s'est réveillé avec toutes ces connaissances-là à un moment donné parce que nos parents nous l'ont dit, nos grands-parents, puis nos amis. Puis à un moment donné, comme disait Jacques Brel, il faut se débarrasser de l'enfance. Donc, il faut disparaître de derrière tout ça pour renaître dans un autre monde qui est autrement que dans l'enfance. C'est très important. Mais il y a des gens qui sont très... quand tu vois dans des... Moi, j'ai jamais visité ça, mais il y a des gens qui m'ont amené des fiches sur imprimante, sur du papier imprimé, qui disaient je suis très près de ma famille. Je suis resté connecté à mes parents. Ben, c'est bien, mais Brel, c'est pas ça qu'il voulait, lui. Être autonome. Vivre même en dehors de ce que tes parents voulaient que tu sois. Hein, c'est ça qui est bien, là. Donc, c'est être autre chose que ce qu'on te préparait à devenir. Quand même. Le diable s'incarne dans ce regard qui s'y plairait. Le diable s'incarne dans ce regard qui s'y plonge. Ah oui, attention. Ah oui, mais là, ça prend la diction, là. Ça prend la connaissance. Moi, j'ai fait un passage au cours Florent. Cours Florent, jusqu'à l'arrondissement, j'en ai rien à glon à moins. Donc, ça dit, parce que ben, je vais vous le dire textuellement dans mon rôle de comédien, quoique je suis un comédien-comédienne, quoique on m'a offert le rôle de Sarah Bernard hier au soir à Saint-Dié-Long. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire, donc j'ai refusé. Alors, le diable s'incarne dans ce regard. Qui s'y plonge, s'y brûle. Oh, ça t'a coûté combien? 250 €. Et puis, donc, comme j'en avais pas 250 €, j'avais 250 $. Ils m'ont dit, ça marche pas de même, là. Puis là, ils m'ont tabassé, puis je me suis retrouvé à l'hôpital. Puis ça m'a coûté 5 000 $ pour me rétablir de mes blessures. Et depuis ce temps-là, ça va très bien. Je crois que je devrais censurer parce que j'ai dit l'endroit où ça s'est passé, puis ils vont mettre des avocats là-dessus. Hein, le millage du filage qui entoure ton corps et le contorsionne, l'emprisonne et le ramasse dans un tout plus artistique que sexuel. Symbolisant le cocon, toi, le papillon, est-ce que tu vas t'envoler? Après ta libération ludique. Là, c'est pas ce qui était écrit. J'ai donc improvisé la fin du texte. OK. Ah oh, oui, là, ça demande, là, oui. attention. Ouais, là, attention. Vidangez-vous, bonsoir. Oui. Vous êtes Vidangez-vous? Oui. OK. Écoutez, moi, j'ai un problème d'ordure. Oui. Oui. Merci. Vous êtes là, vous? Oui. Ça va bien? Oui. Les enfants vont bien? Oui. La femme, elle? Oui. Êtes-vous certain que votre femme est là? Oui. Elle vous aurait pas dit qu'elle se camouflerait, qu'elle partirait dans sa chambre? Oui. OK. La fenêtre est-elle ouverte? Oui. OK. Sa voiture n'est plus là? Oui. Vous voyez les traces sur le pavé? Oui. Pavé. Oh mon Dieu, je cherchais ça. OK. Donc, elle n'est pas partie, là? Oui. Oui, elle est partie? Oui. Vous m'avez dit le contraire, vous, là, hein? Vous êtes un coquin? Oui. Est-ce qu'elle vous trompe? Oui. Avec l'animateur de radio de CKRL? Oui. Rénal Gagné? Oui. Monsieur, savez-vous que... Bonsoir, là. Oui? Salut. Non, c'est quoi le côté dramatique? Mais on va vous le dire, là. Le téléphone. Là, on va faire le truc avant, là. Attends, j'y joue au bonsoir. OK. Alors, allez-y. Oui? Non. Vidangez-vous, bonsoir. Okay. On va le faire d'autre. Vidangez-vous, bonsoir. Oui? Salut, ordure. Avez-vous plusieurs sortes de sacs? Parce que là, j'en ai plein, moi, le mien. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ça fait un excellent film de Claude Lelouch. Tout ça pour ça. Alors, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéant, gagné aujourd'hui le vendredi 20 mars 2015. L'errance, oui, on rérère. Trop de R me semble un peu montréalais. Aujourd'hui présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'intellectuel Aurélie Sfez. C'est une femme de radio, une fille de la littérature, de la création musicale. Donc, Aurélie Sfez, née à Bordeaux le 8 avril, est une productrice. Puis quand je vais voir sur des sites, on mentionne sa date de naissance. Puis entre guillemets, son âge. Ça manque de décorum ce soir. Donc, ici, on ne le fera pas. Est une productrice à France Inter, réalisatrice et compositrice française. Après des études de piano classique au Conservatoire de Bordeaux, Aurélie Sfez, lauréate du Grand Prix du Concours national de France de piano, entre au Conservatoire de Toulouse et au département de musicologie de l'Université de Toulouse, le Mirail. Puis, en maîtrise à l'Université de Paris-Sorbonne. Et Paris-Sorbonne, là, c'est pas l'université ici, là. Ici et là, là. C'est très sérieux. Elle est reporter, chroniqueuse, compositrice et réalisatrice de documentaires pour la télévision et la radio. Elle était la saison dernière productrice déléguée à la musique et à l'animation de l'émission Ouvert la nuit. En juillet 2014, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette femme extraordinaire. La preuve, après cette musique. I know. I face the final curtain. I, my friend, I'll say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Die Welt ist so kaputt. Es ist alles schon. here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. The PTA, Mrs. Robinson, won't okay the way you do your thing. Ding, ding, ding. And you'll get yours, Mrs. Robinson, fooling with that young stuff like you do. Boo, hoo, hoo. Woo, woo, woo. Say, hey, hey, hey. Well, have you heard, Mrs. Robinson? Mine is fine as wine, and I should know. Ho, ho, ho. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Allô, Aurélie. Salut. Comment ça va? Ça va, je suis désolée, je suis hyper en retard. Pas de problème, on y est là. J'étais en scooter, hein, derrière, les embouteillages partout. Faut pas se presser, la vie nous amène tellement de stress que là, voilà. Ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Excellent, là t'es en vacances? Là je suis en vacances? Oui, un peu. Non, encore ben, la nuit, à Poitiers. Ben, je suis en vacances, ouais, plus ou moins, quoi. Quoi? Radiophonique. Ouais, radiophonique. Oui, okay. Radiophonique. OK. Sinon, tu travailles comme journaliste l'été? Non. Okay. Là, j'écris un livre. Ah, OK. Alors là, tu es pris sur ton œuvre. Ouais, parce complètement là, prise là, dans une grande œuvre historique. Historique? Parce que lorsque tu fais de la radio, tu peux pas te pencher sur le travail que tu vas faire éventuellement à côté sur ton roman. Puisque tu fais de la radio, tu peux pas faire les deux vraiment. Ben, radio. C'est un peu difficile quoi. Oh, mais c'est oui. Pas un roman, hein. Okay. C'est pas un roman. J'aimerais bien historique. Ça. Ben, c'est musicologie. Ah oh, oui, j'ai vu les musiques paillées. Les chansons censurées, interdites. Interdites, oui. Complètement interdites. Moi, je t'ai connu sur France Inter parce que c'est une radio d'État qui est diffusée aussi à Québec avec Internet. Et donc, t'écoutes l'émission oui, en fait, ouvert la nuit. T'écoutes ouvert la nuit. Oui. Et t'aimes bien. Oui. Comme et bien, c'est fini. Comme éclectique. Ah, oh, ok, ça n'a pas été reconduit. Eh non. Ok. Ok. Eh non, la grand silence, grand deuil. OK. Mais l'année dernière, on a remercié aussi celui qui travaillait avec toi. Alexandre Hérault. Oui. Ouais, mais il est parti, lui fait un truc documentaire maintenant. C'est lui qui est parti volontairement. Ouais. OK. Pour faire une hebdo. OK. Une émission hebdo. Mais pas sur France Inter. Si, sur Inter, mais c'est le week-end. Dans l'après-midi, ça s'appelle Il existe un endroit. C'est bien, hein? OK, je vais aller télécharger. Ouais, okay. C'est marrant. Parce que j'aime ça, suivre le parcours radiophonique des artistes que j'aime bien. Mais toi, alors, qu'est-ce que tu fais là, en fait? De rien. tu rencontres les gens que tu aimes bien et puis. Ben, je rencontre des artistes, je rencontre des chanteurs, des comédiens, des hommes, des restaurateurs. J'ai rencontré Jean-Pierre Coff, j'ai rencontré. Anne Romanoff, j'ai rencontré plein de monde, Yann Péchin, des gens que tu connais, Brad Scott, le bassiste, plein d'artistes. Depuis 5 ans, j'en ai rencontré à peu près 140-150. Ouais. Ouais. Mais il faut dire qu'en 8 jours, j'en rencontre aussi 35-40. Ouais. Toute la journée? Oui. Oui, c'est... normalement, moi, c'est sur la rue, ici, la rue des Abeilles, OK? Mais quelquefois, je me déplace. Comme là, tantôt, je vais aller un peu plus loin pour rencontrer Chéral. Jeanne Chéral? Jeanne Chéral. Elle est très sympa, Jeanne oui, Chéral. Mais surtout, elle est enceinte? Oui, exactement. Elle vient sortir un album, elle fait des spectacles. À travers tout ça, j'ai pas pu la rencontrer l'année dernière, ni l'autre année avant. Donc, ça a été difficile. Et là, ça s'est fait... en 12 heures. La rencontre, c'est finalisée d'accord. en 12 heures. Ah, cool. Donc, mais je préfère, moi, savoir où je m'en vais avant. Parce que là, quand tu oui. t'interstices à travers d'autres rencontres, tu sais, j'ai des horaires assez, assez limités. Donc, mais en même temps, si je suis à la même place, ça ne me dérange pas. Et donc, tu restes toujours là? Ben là, oui, mais pour Jeanne Chéral, non, je me déplace. Tu vas te déplacer. Ouais. Et on peut boire un verre, non? Ben oui. Moi, j'ai soif, en fait. Oui, ben, c'est ça, j'attendais pour savoir qu'est-ce qu'on allait prendre. Mais oui, on va prendre quelque chose. Qu'est-ce que tu veux prendre? Moi, je vais peut-être prendre une bière avec du sirop de citron. OK, ben c'est ce que je voulais prendre à l'origine, mais j'ai dit peut-être que du rosé, mais OK, parfait, une bière, c'est moins... j'aime pas trop le rosé. OK, puis c'est moins drastique. Ça casse moins. C'est ça, quand on est fatigué, c'est mieux comme ça, ouais, c'est vrai, t'as raison. Sinon, toi, t'as fait des études journalistiques parce que t'as comment? Non? Non. OK. Moi, j'ai fait des études de musique classique. OK. Okay. Tu vois? J'ai fait des études, j'ai commencé au conservatoire de Bordeaux, okay. en piano classique, très classique, mm-hmm. très bien comme il faut. Et tu en joues? Oui, okay. je suis pianiste. Okay. Et donc après, j'ai fait des études de musicologie à l'université à Toulouse. Comme Émilie Simon, exactement. Des études très... Oui, exactement. Très et donc après, voilà, j'ai fait du piano, j'ai eu mes diplômes, mes prix, prix solfège, ouais. en piano, oh, une histoire de la musique, tout ça. Ouais, au début, c'était très sérieux, mon histoire. Et puis, petit à petit, je me suis dit que je voulais être... J'étais très, très fan d'Ève Ruggieri. Oui, OK. Tu vois qui c'est? Oui, oui, oui. Parce que je trouvais qu'elle parlait très, très bien à la radio. Okay. Elle était sur France Inter le matin, elle racontait des histoires avec les rois et les reines. Et puis, les grands de ce monde. Alors, le matin... Des fresques historiques. Des grandes fresques historiques, ouais. complètement décalées. Mm-hmm. Elle aurait dit une grande diva de l'opéra, une grande bourgeoise et tout. Et puis nous, comme on était des babacools à la campagne, moi, ça me faisait complètement rêver. C'était l'opposé. Nous, parce on était des gens, des anards de gauche, perdus avec des moutons. Mmh, c'est bien aussi. Et des parents qui se sont rencontrés dans un kibbutz. Enfin bon, okay. complètement, complètement comme ça. Et écoutez, Ève Ruggieri, ça a amené un peu de dorure, tu vois, un peu de chic. Enfin, et surtout le côté romanesque. Hyper romanesque et tout. Puis mon père, il adorait raconter des histoires fantastiques et tout. C'était un conteur? Ouais, super conteur. Okay. Super, il faisait des documentaires. Bon, il est mort. Ah oui? Il est mort. Ouais. Ah, c'est un documentariste? Ouais, mais il faisait des films expérimentaux, des trucs oui. très bizarres, tu okay. vois. Il allait... Qui n'a jamais été publié? Oh, si, si, okay. mais dans des trucs quand même... Ah oui, underground. Très underground. Okay. Oh, très underground. Bien. Et donc, il nous a appris comme ça... On a une culture très underground dans okay. la famille. Et artistique. Et artistique. Et alors, du coup, après... Je me suis dit que je voulais faire Ève Ruggieri. Alors j'ai appris à me servir d'un micro. Comment J'avais un prof à la fac, oui. qui était un prof d'ethno, ethnomusicologie. Et donc oui, il venait bon. Avec son agra, avec ses bandes. Oui, oui, oui, et oui. nous faisait écouter les trucs qu'il avait enregistrés, toutes les musiques qu'il avait enregistrées dans le monde entier. Okay. Des musiques traditionnelles. Okay. Et je trouvais ça formidable. Et du coup, il a vu que j'étais très intéressée par ça. J'étais la seule à peu près de ma fac à m'intéresser au montage audio, à vraiment cette passion de la radio, montage sur bande, vieux micro. Et j'avais développé... Analogique, complètement analogique. Complètement analogique. Ouais. Quand j'étais petite, je découpais des cassettes audio ah, comme aussi. Ça. Moi aussi. Et je faisais des montages. Quatre, ouais. quatre, oui, moi aussi. Exactement, tu vois, je faisais des collages comme avec du scotch. À comme on faisait des émissions avec ma sœur... complètement débile, tu vois, on se branchait. Oh oui, des pseudo-émissions de radio. Des pseudos, on avait 10 ans, oh quoi, oui, c'est tu bon, vois, c'est 8 bon. Ans. C'est une belle école. Non, j'en ai gardé en plus. Ah oui, ah, c'est bien. Non, mais c'est génial. C'est enfin, comme Nick Ha qui a gardé encore ses anciennes chansons. Non, mais exactement. Ah, c'est merveilleux. Et tout d'un coup, ça devient des œuvres lofi, quoi. Mm. Très, très bizarre. Bon. Ben, des documentaires. Des documentaires. Éventuellement. Nous sommes à l'origine. Ben oui, à la source. Oh, oui. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé, mais c'est pas grave. Okay. Et donc, bref, ça. Et puis après, ce prof, il m'a expliqué comment se servir d'un agra d'un micro. je suis rentrée dans une radio associative à Toulouse. Mmh. Comme chez et nous. Voilà, une radio qui s'appelait Radio Éphémère, FMR, comme ça. Et puis après, j'étais à Sud Radio. Ok. À FM. Ah oui, c'est un peu plus reconnu, là. Bah, très sud-ouest, oui. Exploité, pas payé pendant deux mois, tout l'été. De droite, un peu, hein. Complètement de droite. Okay. Ah oui. Ah. Enfin, c'est une radio... Je sais plus, à l'époque, quand j'y étais, c'était un peu... c'était terroir et tout. C'était sympa, c'était assez sympa, mais oui, c'était cadenassé politiquement par la droite, quand même. Un peu et... le RTL le local, tu vois. Ok. Et donc après, j'ai écrit une lettre à Daniel Coe, qui était directeur de la musique à France Culture, que j'adorais, et qui lui avait fait venir en France tous les compositeurs minimalistes américains. Mm-hmm. Il a fait venir Steve Reich, Philip Glass... Que tu parlais souvent à Ouvert la nuit. Qui étaient complètement mes idoles. Enfin, bon, oui, ça on l'a su. J'ai un peu saoulé tout le monde avec ça. He said, Captain, I said, what? He said, Captain, said, Captain, I said, what you want? He said, Captain, I said, what? He said, Captain. I said, what? He said, Captain. I said, what? He said, Captain. I said, what you want? He said, Captain. Said, what? He said, Captain. Said, what? He said, Captain. I said, what? He said, Captain. I said, what? He said, Captain. I said, what? He said, Captain. I said, what? He said, Captain. I said, what? Joy in my heart can never turn. Cause yeah, I got joy. Can't take it away. Yeah, I got joy. Oh, happy day. Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Garnier. Et donc du coup, moi j'étais là, je l'adorais, je lui ai écrit une lettre à la main et je lui ai envoyé mes cassettes. Il m'a proposé un stage à France Culture et de fil en aiguille du stage, j'ai commencé à faire des chroniques, des reportages. J'ai vu des photos de toi dans un bar avec un monsieur. Alors voilà, j'ai fait une série après... sur France Inter, qui s'appelait Village People. Oui, mais ça, c'est il y a 5-6 ans. Ah ouais. Oui. Et là, on partait avec mon copain Julien. Oui, on partait à l'aventure. On partait à l'improviste avec Julien, tous les deux. On se partageait le village en deux. C'est vrai. On tirait le village avec des fléchettes sur la carte de France, tu vois, pour choisir le village. Et que c'était bien, cette émission-là. Et voilà, et on partait, et on faisait le portrait du village à travers les habitants. J'ai encore les... croisés. J'ai encore les MP3. C'est dingue. Oui, hein? oui, ça me rappelle, oui. C'est génial. Oui, sur un disque dur, là, je viens de le voir, oui. Donc voilà, et puis après, on a adapté la télé. Parce qu'on s'est fait virer. Non, mais on s'est fait virer de France Inter. Voyons. Parce que là, les gens nous ont dit à l'époque, la campagne, on s'en fout. Philippe Bertrand, qui aujourd'hui travaille fort là-dessus, il a dit qu'il travaille de 15 minutes. Et donc, à cette époque, nous, on s'était fait complètement virer. Et au même moment où on s'est fait virer, moi, je suis partie à New York, parce que j'en avais marre, en plus, une déception amoureuse sévère. OK. Oh. OK, non, quand c'est sévère, on rit plus. Okay. Voilà, donc là, j'étais tombée sur un gros salaud. OK. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis partie à New York. Et puis à la radio, ils m'ont dit bah, t'as qu'à faire des sujets à New York. Alors j'ai fait des reportages sur les musiques indées. Tout ça. Là, je me suis éclatée. Comment ça s'appelait? Bah, ça s'appelait rien, mais c'était dans les musiques, c'était dans les émissions des autres. Ok, tu faisais des chroniques. Voilà, j'envoyais mes reportages dans les émissions de France Culture. C'est bien. Tu vois. Et là, t'avais un petit cachet. Ouais, j'avais du petit cachet, trois fois rien. Quoi, mais pour en même temps. Payer l'hôtel et tout ça. Non, parce que je louais mon appartement. Ok, tu prenais l'hôtel. Et puis je prenais celui d'un autre. Ok. Et par contre, la radio, ça me payait quand même mes déplacements, ma bouffe. Ah, c'est bon, ok. Et puis comme je suis intermittente, j'arrivais à joindre les deux bouts avec, tu vois, les cachets d'intermittent. Ouais, quoi. Ouais. Donc c'était pas trop mal. J'étais pas riche, mais j'étais pas malheureuse. Oh, non. Puis tu faisais ce que tu aimais. Ouais. Donc, en tout cas, j'étais contente. Ok. Et là, il y a mon nouveau chéri qui arrive. Enfin, mon ami qui est devenu mon chéri. Actuel. Voilà, qui arrive et qui me sauve. Et on part ensemble. Tu l'as rencontré aux États-Unis? Non. Je le connais depuis super longtemps. De retour à Paris, oui. Je reviens à Paris et tout. Et puis, à ce moment-là, la télé nous appelle, m'appelle. C'était France 5. Mmh. Et on a rendez-vous avec la direction, le grand directeur de France Télévisions, qui veulent nous acheter Village People à la télé. Qui est devenu en campagne. Ok. Et donc on a assez bien négocié, mais on n'avait jamais fait de télé. Une boîte de production nous disait oui, vous êtes des gars de radio, vous savez pas faire de la télé. Alors ils nous ont pris un peu pour des cons au début. Ah ouais, tu t'es fait manipuler un peu. Ouf. Mais en tout cas, on a réussi à tenir notre ligne éditoriale et à faire en sorte qu'on soit les réalisateurs de l'émission et non pas juste les présentateurs, parce que c'était notre idée. Oui. C'était notre concept jusqu'au bout. Okay. Et donc, au bout d'un moment, on a quand même réussi à squeezer les producteurs qui étaient là pour payer, mais pas pour créer. Parfait. Donc, on s'est réalisé toi-même. Voilà. On a pris des avocats et on est devenus très autonomes. Et on a duré 3 ans. Ça s'est rendu loin. Ouais, 3 ans. Et... Ouais, mais c'était des avocats, mais c'était pas... Pour briser le lien. Voilà, c'était juste pour mettre les cartes sur table. Oui, voilà. C'était pas une guerre pour de l'argent, c'était une guerre pour des idées. Donc celle-là, moi, je voulais bien y aller, tu vois. Okay. Et donc après, on a fait ça. Et puis après, petit à petit, France Inter m'a rappelé, du coup, puisque j'avais fait de la télé. Alors, tu étais reconnue là-bas, qui a passé à la télévision. C'est plus à la télé. Et puis après, ils m'ont amenée à Ouvert la nuit. Et j'ai fait des chroniques de musique expérimentale. Et puis une, et puis deux. Puis là, ils m'ont dit, ça marchera jamais, expérimental, tu te rends pas compte, la noise, les musiques bruitistes, la musique contemporaine, personne écoute ça sur France Inter, mais ça va pas la tête. Quoique, c'est vrai que ça sent plus France Culture que France Inter. Voilà. Avec, c'est vrai qu'on était l'émission de France Culture sur France Inter. Ouais, des laboratoires intérieurs, des trucs comme ça. Ouais, comme l'atelier intérieur, voilà, super émission, l'atelier du son. Voilà, et nous, on était un peu... Moi, j'ai été de cette école-là parce que j'ai toujours eu un pied à France Culture et un pied à France Inter. Et puis voilà, et voilà. Et puis après, on a fait Ouvert la nuit et avec beaucoup de découvertes tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais moi, ce que je trouvais rigolo souvent, c'est que vous aviez des groupes de chanteurs, des chanteuses qui n'étaient pas connus, qui n'allaient pas faire grand-chose et qui, sans doute, allaient faire une seule radio, c'était chez vous. Et tu les glorifiais comme si c'était les Prince ou les Michael Jackson. Et là, c'est un peu... Avec la biographie du début, oui. Ah, c'est sûr, j'en faisais des tonnes. Oui. Parce que moi, je me dis qu'aussi, que tout le monde a droit à son... Depuis Andy Warhol, tout le monde a droit à sa part du gâteau. Oui. Et je n'ai pas envie d'être avec Miossec ou avec, je ne sais pas moi... Les gros de l'industrie. Oui, Lana Del Rey, pourquoi est-ce qu'on ferait un pont d'or à Lana Del Rey et pas à Pérez, qui est un mec qui fait l'électro et qui est super, mm-hmm. et qui est beaucoup plus timide et qui n'est pas dans ce marché-là. Elle est où la vraie musique? Est-ce que tu connais Pierre Fa? Pierre Fa? Oui. Non. Ok, un gars à découvrir. Pierre F-A-A. F-A-A, oui. Pierre oui, Fa. Il est canadien? Non, il est français. Je le rencontre à chaque année. Il produit plein d'artistes, dont Izzy. Je ne sais pas si tu connais la chanteuse Izzy. Izzy? Izzy. Y-S accent aigu. Non. Ok, voilà. C'est des... J'ai plein de trucs à découvrir. Oui, c'est tellement riche. Et c'est des gens qui font cavalier seul. Pierre Fa fait un studio maison, fait ses albums, produit, même en Angleterre. Il s'en va rencontrer des artistes en Angleterre. À un moment donné, il s'est rendu en Islande. On l'appelle partout. Mais ici, il n'est pas connu. Pierre Fa. Et il fait quel genre de musique? Tout. Sauf du rock. Donc, planant... C'est il connaît très bien un type que tu connais très bien, William Scheller. Ouais. Bon, c'est un... J'avais adoré l'interview avec Scheller, enfin, par exemple, on l'avait rencontré. J'ai été très fan de lui. Grand bonhomme. Ouais. Grand bonhomme, William Scheller. Et là, actuellement, je sais pas où tu t'en vas avec la radio, donc... C'est super compliqué. Mais c'est stratégique, tu vois. Ouais. C'est des trucs de pouvoir. Ils ont fait un mercato. T'enregistres tout ce que je dis? Oui. Très bien. Ok, tu veux censurer? Non, okay. Pas du tout. Okay. C'est ils ont fait là en ce moment à Radio France et à France Inter. De toute façon, je crois que ça commence à être écrit là aussi dans les journaux. Okay. La transition est très violente. Vincent Josse part à France Musique. Ouais. Mermet est viré. Le gars d'extrême gauche. Daniel Mermet, c'est fini. Ouais. Avec alors Daniel Mermet, il a fait son temps, tu vois, ouais. mais c'est toute son équipe. Tu sais que sous les étoiles exactement, ça fait 20 ans, c'est pas grave, aucun problème. Ça a fait 20-25 ans et malheureusement, on l'a remercié, on l'a jeté du revers de la main. C'est triste. Et... Rebecca Manzoni, je crois, éclectique, ça va s'arrêter. Je crois qu'elle va faire le... Je l'ai rencontrée il y a 12 ans. Elle va faire le matin, tu sais, Okay. Des petites chroniques musicales là, sur un disque. Ah, c'est triste. Ben ça, je trouve ça dommage. Éclectique, c'était incroyable. Ben ouais, elle est super. Hein. Ouais. Et elle est aussi, je crois, à Canal+, elle fait des trucs à Canal+. Je sais qu'elle était sur Arte à un moment donné. Arte, oui, c'est ça, Arte. Où elle était rédactrice en chef de Métropolis. Oui, c'est ça, exactement. France Inter est en transition. En vraie transition. Frédéric Laudéon s'en va sur France Musique. Ok. J'ai proposé un projet un peu pour... Mais comment? Sur la musique classique, mais un peu revisité, quoi, tu vois. Must have been a sound big sound. get out of skin. Oh, here's a depiction. We'll be right back. parce donc que j'attends ça, la réponse sur Inter. Mais tu sais pas ton horaire, tu sais jamais cet été, je veux dire, tu peux pas savoir avant. Tu... Elle, le, la direction m'a dit qu'il me tiendrait au courant rapidement, mais... C'est fou, hein? C'est complètement... Là, pourquoi? C'est complètement incertain. Ouais. Pourquoi? Parce que... Je connais pas leur fonctionnement et leur technique de management. OK. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois que... Nous, je crois qu'eux-mêmes sont perdus dans ce qu'ils veulent, dans leur choix. Je trouve que c'est une radio d'État, donc... C'est une radio d'État, mais qui est gérée presque comme une radio privée. OK. Tu vois? Puis François Just... Vincent. Oui, Vincent Just, parce que François Just, c'est un analyste cinématographique. Vincent Just, lui, était vous sur France Culture. Il était à l'atelier, il avait l'atelier Inter. Mais il n'est pas à France Q, non. Il était à l'atelier. OK, mais on le remercie? Non, on le transfère à France Musique, à la rédac, à la matinale. OK. Ouais. Comme c'est pas sa place. Je sais pas, on verra. Il faisait des portraits d'artistes. En situation, chez eux, dans leurs ateliers. C'était donc, bien. Donc, l'incroyable Brigitte Fontaine. Exactement, c'était super. Tu vois. Et surtout, il y avait une autre émission qui était beaucoup plus confidentielle, parce qu'elle n'a pas duré longtemps. C'est pendant les travaux, le cinéma reste ouvert. C'était Stéphane Bou et Jean-Baptiste Toré. Oui. Qui faisait un peu les cahiers du cinéma, tu vois, mais en radio. Avec, ils étaient deux, donc ils s'entrecoupaient, c'était merveilleux, c'était vraiment... Ils sont très intelligents tous les deux. Oui, ça parlait. Mais ils sont vraiment forts, tu vois. Eh ben, c'est fini aussi, terminé. Ben ouais, ils laissent pas le temps d'une émission s'installer. Oui, c'est ça. Comme Parking de nuit, qui était extraordinaire. Dernier parking... dernier parking. Dernier parking avant la plage. Oui, ça c'est l'été, mais il y a aussi, c'était Parking de nuit aussi, la suite... Après l'été, ils sont retournés à l'automne et ça s'appelait Parking de nuit. C'était incroyable cette émission-là. Vois, voilà, je trouve que c'est dommage parce que la radio, c'est pas le même temps que la télévision. Non, il faut laisser. C'est pas le même temps que la presse écrite. C'est-à-dire que les gens ont besoin de d'être rassurés. Tu vois, il y a des voix. Les voix, c'est pas des visages. Les voix, c'est quelque chose sur lesquels on peut s'appuyer, reposer, fantasmer. On est accompagné, on les attend, c'est un rendez-vous. Et là, tous les ans, ils changent, quoi. Ou alors, c'est les chaises musicales. Ça veut dire qu'un même producteur peut changer de tranche. Ouais. Et puis même de style d'émission. De style, et il amène plus son idée. Philippe Ferrand a fait une émission qui s'appelait « Quand je serai grand » et qui rencontrait plein d'artistes. Oui, tout à fait. Qui parlait de son enfance. Aujourd'hui, il est rendu à faire des carnets de campagne. Au téléphone, tu vois. De 15 minutes. C'est quand même un peu pourri. C'est épouvantable. C'est épouvantable. On n'en peut plus. Intelligent, un homme qui mais je crois qu'il est malheureux de faire ça, tu vois. Ben, ouais, c'est difficile entre nous de s'en parler aussi. Oui, mais il y a deux ans, je l'ai rencontré. Puis, Il en avait à la casquette. Oui, oui. Là, tu vois, nous, par exemple, ouvert la nuit, c'est Pascal Clark qui reprend notre... OK. Notre avec le même concept. Ben, elle se mange 2 heures, 21h, 23h. Et elle va faire tous les lives avec des gros artistes. Et puis aussi, dans la programmation qu'on proposait, je pense qu'elle va aller puiser dans les petits indés, parce que ça fait brancher, mais pas parce qu'elle a mis ça. Non, je comprends. Tu vois? Mais tu sais qu'une émission comme Sous les étoiles, exactement, qui a fait 20, 22 ans, 23 ans, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Ça a même demandé comme un pont, le pont des artistes. Comme le pont des... Ah, mais alors elle est tombée malade, Isabelle. Ah, ok, c'est ça que je pense. Je vais chercher à boire. Ben oui, bon, oui, deux bières comme toi. Toi, c'est des blondes? Ouais, j'y vais. Ok, oui, pas de problème. Moi, je sais pas si c'est blonde ou bien. Ben, comme toi. Comme tu toi. Veux quoi, toi, René? Comme toi. Pareil que moi. Oui. Et à manger un petit truc? Moi, j'ai rien mangé. Ok, mais mange, moi, je... Ça t'embête pas si je... Ah, non, il n'y a aucun problème. Non. Okay, vas-y. Alors, une bière comme d'habitude, blanche. Ouais. moi, je vais prendre un twist. En fait, ça s'appelle un twist quand tu mets du citron. Ah, je savais pas. Ok. Ah, avec du citron? Avec du sirop de citron. Pour vous? Oui, d'accord. Pour moi. Ah, mais moi aussi, quoi, je vais essayer. Tu veux le twist? Ouais, curiosité, oui. Oh, oui, pourquoi pas, oui. Je prends ça parce que j'aime pas trop la bière. Ah, c'est pour étouffer un peu le goût? Ouais. Ok. Vous en voulez deux, du coup? Alors, deux twists? Oui. Deux twists. Et moi, j'ai un petit peu faim. Oui. Alors, je vais prendre. Une salade César? César? Elle vient? Voilà, une salade César, alors. Merci. Mais il faut mal quelqu'un. Non, mais il faut mal quelqu'un dire oh non, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien leur poser la question quand même. Ils prennent pour sa paroi, ça, comme on dit. Sinon... Mais un jour, il y en a qui m'a répondu non, c'est dégueulasse. Ah, mais c'est bien. Quand j'ai dit le poisson, il est frais. Okay. Ah non, il est dégueulasse. Ah non, mais c'est vrai. C'est vrai. Comme ça, tu veux. Si tu veux pas être malade le lendemain, donc tu fais attention à. Et puis la radio te donne quand même une certaine liberté, mais la télévision aussi. Depuis que tu y as touché, tu sais un peu comment ça fonctionne. Oui, oui, maintenant je sais un peu comment ça fonctionne, mais je suis pas sûre. D'aimer ça autant que la radio. Ouais, je crois que je préfère vraiment la radio. Ouais, parce que tu dois travailler sur le look et. Mais j'aime bien exister sans qu'on me voie. C'est ça, tu vois. C'est ça, juste la voix. Je trouve ça tellement génial de pouvoir aussi. Enfin, de cet espace de liberté, en fait. Même si on te fait chier, même si ta direction t'empêche de dire des choses, tu vois, de pouvoir quand même les dire, parce que t'as signé ton contrat et que de toute façon, une fois que le micro est allumé, une fois que le rouge est rouge, tu as un garde-fou quand même dans ta tête. Donc tu vas pas non plus partir en sucette complètement. Mais tu peux faire quand même passer des idées, tu peux quand même être influent sur, être prescripteur, soit sur des goûts culturels, ou soit être dans une forme de résistance, ou dans une forme de pensée que tu n'as pas à la radio, parce que tu n'as pas ce direct, tu n'as plus le direct à la télévision, que tu n'as pas à la télé, je veux dire, tu vois. À la télé, faire du direct, déjà, voilà, c'est fini, déjà, il n'y a pas le direct. Donc, il n'y a pas le direct, moi, ce que j'aime, c'est le direct, c'est pouvoir aussi me... C'est l'adrénaline du direct. Mais toi, tu te considères rattaché à France Culture, France Inter, ou tu vois mal te retrouver à Énergie Oh, ce serait drôle. En fait, je m'en fous. Okay. Enfin, c'est pas ça. Ouais, je suis attachée à Radio France. Ouais, pour l'idéologie aussi, parce que je pense pas qu'on demande à Énergie. À nous. À l'amitié France-Canada. France-Québec. À l'amitié France-Québec. Non, moi, je connais pas le Canada. Ah, pardon. À l'amitié France-Québec. Oui. Mais voilà, pour revenir à ça. Ce sont des beaux verres. Oui, c'est la première fois que je me place la date. C'est. Ouais. Attends, t'as goûté le twist? Très bon. C'est vrai. Tu vois, c'est un peu frais. C'est quoi, c'est citronné? Ouais, c'est de la bière avec un petit jus de citron. Ça passe. C'est 100 fois meilleur, c'est vrai. Ouais, c'est pas mal. Mais malheureusement, ça donne le goût d'en boire. Beaucoup. Bah après, on devient des gros buveurs de bière. C'est vrai. Les nouveaux murs de la maison, sous la peinture et les faux plafonds, notre futur en question. Le souvenir de mes vies premières, troupeau de moutons de poussière, mes gravats de célibataire. Et cet enfant qui pleure, qui mange, kilo de lait, kilo de l'ange, et tout cet amour en échange. J'espère, c'est peu de le dire, j'espère que tout ça va tenir. Sur mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien carrées, mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien gaulées, pas baraquées, pas balèzes. L'amour, l'humour, l'humeur égale, les deux ampoules sur ton visage qui s'illumine quand je pédale. Le poids de mon nom ridicule, de ce fantôme à particules qui avance quand je recule. J'espère, c'est peu de le dire, j'espère que tout ça va tenir. sur mes épaules, pas bien carré, mes épaules, pas bien gaulé, pas baraqué. Sur mes épaules. Et les faux plafonds, notre futur en question. letzte Nacht, wenn wir durch die Clubs ziehen und es kommt mir immer vor, als wär ich die Nachtklappe. Das ist die reinste Wahrheit und ich schwöre siebenfach. New York, ich will ein Penthouse haben, direkt unterm Dach. Und nach meiner Show, da bin ich immer so froh und alle gehen mir in die Disco. Wir gehen in die nächste Disco. Eine Disco nach der anderen Disco. Und wackeln im Takt zu Fucky Rock. A.M.E.M. Paramount. Roxy Mud Club. Dance the Tyria. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Gar sehr. Ich könnte nicht mehr ohne dich, ich lieb dich immer mehr. Genauso lieb ich auch Berlin und Amsterdam und Hollywood und Eifersucht, das ist eine Krankheit, ich liebe alle, alles gut. Und nach meiner Show, da sind wir immer so froh und alle gehen wir in die Disco. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, a minute different. different tune. And then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, face the music and dance. Before they ask us to come up with the bill, and while we still have got that chance, face that music and dance. Soon we'll be without the moon humming a different tune. And then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, dance. Let's face the music. Look at that music. Why not face the music and dance? Une bière de fille. Mais qui donne le goût d'en boire, c'est beau. C'est vicieux. C'est vicieux, c'est pervers. Oh, oui, c'est une bière vicieuse. Et c'est ça, donc en même temps, tu es rattaché à la vision France Culture, à la. Ouais, à la maison, ça s'appelle la maison de la radio. Oui. Et dans cette idée de la maison de la radio, c'est vraiment la maison. Moi, j'ai toujours considéré que c'était ma maison. J'adore les grandes institutions en plus, parce que je suis complètement. Des fois, je ne suis pas très sûre de moi. Alors, aller travailler dans une grosse institution, ça me rassure, ça me donne un peu plus d'envergure dans ma tête, tu vois. Par exemple, j'adore, quand j'étais pianiste au conservatoire, j'aimais bien monter les marches du conservatoire. Ah je oui, me disais, ah bah tiens, ah là oui. Je vais dans la vraie institution française de la République, celle où tu n'es pas obligé d'être riche pour y arriver, mais c'est juste ton talent, tu vois, enfin, c'est une espèce de vieille rengaine communiste anarcho. En fait, c'est le côté cérébral. Tu vas aller à un endroit où l'esprit est valorisé. Oui, où, voilà, l'esprit est valorisé, puis où aussi la communauté travaille ensemble. Accès, tu vois? Ouais. Donc la maison de la radio, c'est une communauté de gens très, très intelligents, très différents. Il y en a des fous, il y en a des... Personne n'est idiot dans cette maison. Je crois que personne n'est idiot. Après, tout le monde est différent. Les gens sont plus ou moins caractériels, plus ou moins... Ben, ils ont leur tempérament. Démagos, plus ou moins gentils, plus ou moins guerriers. Mais il n'y a pas d'imbécile. Tu vois, et je trouve, hein, moi, je n'ai jamais vu de toutes les échelles des gens qui sont au courrier, aux gens qui sont au micro. Je les trouve tous... Intéressant. Ouais, je les trouve tous intéressants. Et c'est un peu ça dans l'émission aussi. Le petit musicien comme le grand musicien, je les trouve tous intéressants. Et je trouve pas moins intéressant le grand parce qu'il est grand. J'ai pas de mépris ni pour les grands ni pour les petits. Ouais. La musique, c'est un niveau. Ouais, puis c'est un niveau. La musique, c'est tellement puissant comme art, tu vois. C'est tellement la chose que je respecte le plus, c'est le son et la musique. Que je ne me permettrai pas d'avoir des hiérarchies sur les personnes qui la font. Après, il y a des musiques que je comprends moins. Je suis assez nulle en rap français. Okay. Je crois que je suis une grosse merde en rap français. Okay. Je suis hormis les gros noms. Oui, hormis les gros noms, mais il n'y en a plus les gros noms de rap français. Il y en a 3-4. Ouais, il y a NTM. Non, mais il y a MC Solar. Il y a Puccino. Ah, Oxmo, oui, Oxmo. Qui est très accessible, très, très bien. Oxmo. Ouais. Après, je ne suis pas très Aurel San. Non, moi non plus. Je trouve quand même trop tendu comme mec. OK. Il m'agresse un peu, tu vois. Oui, c'est ça, c'est beaucoup de violence. Tandis que que l'autre, les autres, c'est beaucoup plus cérébral. Ouais, Oxmo. C'est ça, c'est incroyable. Puis, ouais. Mais Oxmo, c'est un poète. Quoi. Ah oui, un grand bonhomme. Après, j'adore le chanter-parler, le spoken word et tout ça, tu vois, le hip-hop et tout, j'adore ça. C'est, je me sens moins à l'aise que dans les musiques industrielles, les musiques noise, les musiques new wave et tout. Bon, je suis plus rock que pop aussi. La petite pop gentille. Étienne Dao. Bon, Étienne Dao, évidemment. Là, parce qu'hier, il faisait un spectacle, donc il pense à Étienne Dao. Je revois un coup de twist. Parce que oui. Je l'adore, Étienne Dao. Ah, il est incroyable. Ah, je l'adore. C'est un homme qui évolue constamment. Puis je trouve qu'avec les années, il se bonifie, puis il est moins timide de prendre la parole. Quand on dit « Ah, t'as pas de voix, t'as un filet de voix », il sait répondre maintenant. Avant, il répondait pas, maintenant, il sait répondre. Et tu te rends compte qu'il a aussi bourlingué avec Gainsbourg, qui l'a peut-être, à un moment donné, dit « Regarde, prends ta place, parce que sinon, tu vas te faire... » Merci. « Prends ta place, sinon, tu vas te faire bouffer. » Il a dit la même chose pour Vanessa Paradis. « Prends ta place, sinon, tu vas te faire bouffer. » C'est des monstres, donc il faut faire une carapace, sinon on n'en sort pas là-dedans. Moi, je pense que c'est très très dur. Oui, mais de plus en plus dur. Je pense que c'est très très dur. De plus en plus dur, parce que là, tu fais des disques qui ne se vendent pas. Personne n'achète de disques. Non, tu fais des spectacles, et c'est un peu avec ça que tu fais de l'argent, mais ça coûte tellement cher de payer tout le monde qu'au bout du compte, tu es vraiment... C'est qui je rencontrais cette semaine, donc? Un artiste qui me disait... Ah, oh, c'est Juliette! Ah, Juliette tout le temps. Oui, Juliette me disait, écoute, madame, moi, quand je fais des spectacles, on a tous le même salaire. J'ai pas plus, j'ai pas moins que le guitariste. Ben, ça, c'est rare, hein? Oui, elle est à l'ancienne, hein, Juliette. Hein? Pardon? Elle est à l'ancienne, hein? Oui, oui, oui, fonctionne, oui, oui, oui, oui. Mais quand tu la rencontres aussi, elle est généreuse à l'ancienne. C'est rarement, il y a des... Juliette, elle est extraordinaire. Oui. En tant qu'artiste, en tant que femme... Mais ce qui me faisait rire, c'est que moi, j'ai jamais pu placer le rendez-vous directement avec elle. Donc, je parlais avec quelqu'un d'interposé, qui est son agent. Et son agent, elle, m'envoyait des courriels. Donc, lorsque je savais qu'elle voulait me rencontrer, je proposais des dates. Là, elle me dit, moi, c'est à peu près 30 minutes. Je dis, moi, je sais pas, les rencontres, là, ça peut durer 30, comme avec Jean-Pierre Coff, ça a duré 3 heures. Donc, heures avec Coff? Oui, oui, oui. Mais on a mangé. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on a déjeuné. Mm. On a mangé ici, ils n'en font plus des andouillettes. Ici, l'année dernière, c'est un autre propriétaire. On s'en sert? Parce que là, c'est pas très bon, hein, sur le nom. Non, mais c'est ça. Alors, ça a changé de main. C'est la fille qui a pris le flambeau cette année. Et tout a changé, c'est de la merde. Ah, c'est dégueulasse. Hein? Ouais, même les serveurs ont changé, tout a changé. Donc, il y a des gens qui sont partis. Parce que... Et c'est la dernière année où je vais faire mes rencontres ici. Je préfère le Brûlant et les petits endroits comme ici, le Saint-Jean. Ils font des spectacles, c'est merveilleux. Ah ouais? Pour les relais, si tu veux rencontrer des gens de la relève, là, le Saint-Jean, le soir, ils font constamment des spectacles. Et c'est comme ça que je rencontre aussi des artistes en allant au Saint-Jean et en prenant le nom des chanteurs, des chanteuses. Et quand j'arrive au Québec, je fais ma petite recherche, j'écoute, ça me plaît, je vais plus loin. Sinon, comme Herlock, Warlock, que j'ai rencontré, est-ce que tu connais? Oui! Bon, mais voilà. Cool! C'est incroyable ce qu'il fait. Incroyable. C'est du Gainsbourg, du Bachung et mais c'est super lui aussi. Oui, voilà, c'est ça, mais il n'y a pas de visibilité, c'est dommage. Mais, toi, vous, votre radio, à tous, elle est à Québec. Oui, c'est la première radio communautaire associative francophone au monde. Elle existe depuis 42 ans. Vos radios libres existent ici depuis 37 ans. On vous a montré comment nous, on fonctionnait et vous avez placé la même chose ici. C'est-à-dire qu'il y a même des gens de CKRL qui sont venus voir si vous aviez bien... Les platines nécessaires, les amplis, les antennes, pour ouvrir 5-6 ans plus tard avec des Carbone 14, des Super Nana, des La Fesse, ouais. Ben voilà, tout ce monde-là, tout le Super monde où on pouvait, c'est incroyable, mourir, c'est une femme qui a vécu à 200 000 $ et elle est morte aussi rapidement. J'écoutais tout le temps, moi. Ouais, moi aussi. Tout le temps. Mais moi, en fait, j'ai commencé à écouter ça en 89 lorsque j'ai fait mon premier voyage ici. Et c'était une radio déjà explosive. C'était des animateurs qui prenaient des appels. C'était totalement débridé. Et c'est ça que je me disais. Puis c'est CKRL l'était avant. Donc, ici, ça a laissé la place à des gens Même Coluche a fait quelques radios libres. Donc, c'est un endroit encore beaucoup plus où le lien expressif, où l'esprit est davantage mis en faveur que les radios d'État comme Radio-Canada. Moi, ça me manque ça. Radio-Canada. Tu vois, ça me manque vraiment. Nous, des fois, on nous a mais reproché. C'est pas payant, on nous a reproché de faire des fois. Oui, bon, ben, ouvert la nuit, ça va, on n'est pas dans la radio, c'est pas Radio Libertaire, c'est pas la radio assaut, tu vois. Rénaldienne sur CKRL-NF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Tu parles et que les mots qui sortent pas à comprendre. We'll be right back. toi, moi non plus. Mes ailes en tête me prend la tête. Si t'as toujours rien compris à cette histoire, c'est qu'elle est sans qu'une tête. C'est la mort, reproduis-toi, que tout le monde t'oublie. C'est la mort qui me dit reproduis-toi. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.